En Corée, le 17e festival de l'architecture 21 mai est ouvert le 9 mai au Palais des sciences et techniques à Pyongyang. Y ont pris part Oh Soo-young, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, les cadres intéressés, les officiels des branches du dessin, des travaux de construction, du contrôle, de la construction, de la science et de l'enseignement, les architectes, techniciens, enseignants et chercheurs. Dans le cadre du festival sous thème « L'architecture tutsé en essor grâce à la capacité de se renforcer soi-même », ont lieu les expositions des dessins architecturaux, des matériaux de construction, de finissage et des meubles, des programmes pour l'informatisation du dessin, des machines de bâtiment et des outils couronnés dans les festivals provinciaux et sont déposées les thèses scientifiques du domaine de la construction.